rien à foutre de finir premier dans les streams, de faire plus que lui ou que l'autre. Tant que je peux faire du bien à ma famille et que je peux rendre fiers les nôtres. J'ai donné mon cœur fragile à ceux qui me l'ont rendu en pierre. Ils sont passés des pistolets en plastique à ceux en fer. Ça tire pour l'argent ou pour la vengeance d'un frère. Réel ici c'est la guerre. Vaut mieux faire son chemin seul. Investir dans quelque chose ou créer son business. On m'a dit les potos c'est bien beau, mais quand ils ont leur vie après ils te laissent. Y'aura que ta mère et ta femme pour t'éviter le pire. Des fois c'est pas bon de garder les choses en soi, faut les dire. Mike. Mike. Ça va chérie, ça va. Je parano même à la station de lavage. Je suis gentil mais si tu fais une action grave, tu vas te prendre une balayette dans les gravats. Si je suis pas là je travaille. Je suis pas un mafieux, moi je suis un brave ma race. Je suis pas du genre à montrer, je vais pousser ma mise dans mon coin comme il y a moi las. Je fais du rap quand pas des fois ça me lasse. Je connais plein de gens, ouais des fois ça me laisse. Mon sang me dit Frosley, voilà. Je veux pas mourir comme Christopher Wallace. Pour assurer le scout, il fallait le gravage. Quand je pas fumé, je regarde tout mon travers. Y'a des glocks, des crosses dans le garage. Dans les bouchons, c'est sous ta grand-mère. Ça c'est camembert. T'as pas de race, tu m'en mets à ton père. Tu niques les sous les femmes, même à ton pote. Pour faire la malade, t'es toujours volontaire. Dès que les bâtards, je fais rupter le moteur. J'arrive toujours à l'heure, j'arrive pas en retard. On fait des parades en Espagne. J'ai rasé la teuté, j'ai laissé la beubar. Je vais en fumer un, je me jette quelque part. Attends, l'équipe et je vais faire quelques tours. Heureusement que tu en règles, que je suis tout dans les couilles. Parce qu'elle rigole pas la Skoda quand elle te course. C'est une plaque quand il monte l'essence. Dites-moi, c'est quand que l'on rit. Je connais des gens, si tu leur veux du mal, ils t'entendent dans les puissants, souvent de l'on riff. Elle m'a fait des sourires à la boulangerie. Je remercie le bon Dieu en m'endormant, je prie. Les petits me disent les Schmitt, je leur fais TB, je leur fais des doigts et en courant, je ris. Je fais une course avec un œuf sans ténéré. Bah, mon cascara, il est ténébreux. En personne, j'avais la nique générée. Pourtant, je suis gentil et je suis généreux. J'ai tout fait. Pour les gens, moi, j'ai tout fait. Moi, j'ai rien à prouver. T'as vu l'amour, j'ai trouvé. J'enfume le studio. Quand je fume la beuh d'Hollande. Les haters sont contre moi, je les choque comme Erling Haaland. On m'a dit elle est dans ton camp la balle. Y'a plus de semblant, moi je roule la balle. Je reprends de la balle, je veux faire la salle. J'ai les crocs, je passe à chez la dalle. Je vais en faire un, je passe au parachet ou au magasin à Frankie. J'aime pas les faux voyous. Je préfère traîner avec des junkies. En mode bourrin de mandatico. Petro pas Mantiago, nique sa mère le buzz, demande à Marteau. Si on te frappe, on te coupe, demande à L'RS3 le bombardeux. Je la fais cracher vers la bombardière. Et TMC, je les prends par deux. Je me frappe avec eux, je me secoue par terre. 33 piges, toujours pas mûri. Traîne avec des gens qui ont des lourds passés. Avec des gens qui veulent des armureries.